Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des zones. Et comme à l'habitude, à ce temps-ci de l'émission, c'est le commentaire de disque de la semaine. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous parler d'un album que j'ai reçu et que je suis bien content. Surpris un peu, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un album excellent. C'est celui de Damien Robitaille. Et l'album, c'est tout simplement... Bientôt, ce sera Noël. Cinquième album pour l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien Damien Robitaille, qui nous propose un album de Noël. Un album de Noël, oui, mais surtout une fraîcheur auditive qui nous berce du début jusqu'à la fin. Dès les premières notes de Bientôt, ce sera Noël, qu'on va entendre dans quelques instants, eh bien, on reconnaît un univers familier, celui de l'homme autonome, cette belle nostalgie qui nous transporte tout au long de l'album, nous berce de plage en plage, grâce à des mélodies et des textes charmants remplis d'une légèreté qui est propre à Damien Robitaille. Et c'est vraiment très intéressant comme produit, vous allez voir. Si vous voulez avoir une adresse pour Damien Robitaille, c'est le www.damienrobitaille.com. Allez là, vous allez pouvoir vous procurer toutes sortes de produits que Damien a produits dans les années passées. Et aussi l'album de Noël. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est forcé énormément pour avoir de nouvelles chansons de Noël. Hein. D'habitude, on entend tout le temps les Ave Maria à plus finir. Cet album-là nous propose vraiment de nouvelles chansons très, très, très bien construites. Donc, voici Damien Robitaille avec son cinquième album. Et je vous envoie tout de suite la pièce titre « Bientôt, ce sera Noël ». Oh, oh, oh, oh. Yeah, da, di, di, dum. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Chauffé dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies comme une chorale en harmonie. Chants immortels. Bientôt ce une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour emplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel. Bientôt ce sera tout au long de ce disque, Damien Robitaille nous séduit avec des pièces dont on ne saurait se tanner. « Tu m'emballes » qu'on va entendre dans quelques instants en est un bon exemple. Il y a aussi « Miss Christmas », un pop 80 à la Electric Light Orchestra Yellow, des plus captivants, signé Damien Robitaille. C'est une pièce anglophone, mais c'est surtout un verre d'oreille garanti. On peut en dire autant de Le Dernier Noël, un genre de sing-along qui sera à faire chanter les plus gênés d'entre vous. Damien nous offre également deux beaux arrangements de chansons traditionnelles, soit Cloche de Noël et Jésus est né, qu'on va entendre en fin de commentaire. Cette dernière est parmi les plus puissantes de l'album. Il termine avec une belle reprise anglophone de John Prine. C'est Christmas in a Prison. Et elle est magistrale grâce à la prestation de piano de Damien Robitaille et son interprétation de cette chanson country folk parue en 1973. Pour l'instant, voici Damien Robitaille, Tu m'emballes. Tu me couvres la peau de ton papier, je suis captif, pris dans ton ruban adhésif. Tu m'emballes comme un jouet qu'on ne dévoile que le jour de C'est Noël avant le temps avec Damien Robitaille. Il nous fait cadeau, un beau cadeau vraiment, en nous offrant un disque de Noël à la hauteur de son talent. Des textes charmants, des mélodies captivantes, bref, beaucoup de moments de plaisir auditif qui nous bercent du début jusqu'à la fin. Sur « Bientôt ce sera Noël », on y retrouve aussi de belles surprises qui nous font du bien. Tout au long de ce disque, une belle nostalgie s'installe et nous enivre et ajoute ce petit quelque chose de plus qui fait que ce produit est exceptionnel. Faites-vous plaisir et offrez-vous ce petit bijou remarquable du temps des fêtes en allant sur damienrobitaille.com, www.damienrobitaille.com. On y voit qu'une reprise d'une chanson traditionnelle « Jésus est né ». Voici Damien Robitaille, une pièce qu'on retrouve sur son album « Bientôt, ce sera Noël ». chrétien, prenez courage, Jésus sauveur est né. Du malin les ouvrages à jamais sont ruinés. Quand il chante merveille à ses troublants apports, ne prêtez plus l'oreille, Jésus est né. In excelsis gloria. Cette nouvelle dont un ange est porteur, oyez homme fidèle et dilatez vos cœurs. La Vierge dans l'étable entoure de ses bras l'enfant Dieu adorable, Jésus est né. In excelsis gloria. Voici que trois rois perdu en Orient déchiffre ce message écrit au firmament. L'astre nouveau les hante, ils la suivront là-bas. Cette étoile marchande, Jésus est né. In excelsis gloria. Jésus leur met en tête que l'étoile en la nuit, qui jamais ne s'arrête, les conduira vers lui. Dans la nuit radieuse, en route ils sont déjà. Ils vont l'âme joyeuse, Jésus est né. In excelsis gloria. Pour l'enfant qui repose dans un petit berceau, il dépose hommages et cadeaux. Comme l'âme ravie, chrétien suivant ses pas. Son amour nous convie, Jésus est né. In excelsis gloria. In excelsis gloria. Louison, puis Fonfon, puis tout le monde. C'est avec le classique de Cano qu'on a commencé notre bloc de l'Est Québec-Ontario, Les rues d'Ottawa, qui n'est pas vraiment une chanson de Noël, mais on peut comprendre que c'est peut-être pendant les vacances de Noël qu'ils sont allés à Ottawa, puis tout ça. Et ce qui est drôle pour cette chanson-là, elle reprend vie dans un sens parce qu'elle dit sur la colline à Trudeau, en parlant de la colline parlementaire et de Pierre-Éliott Trudeau, bien aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est la colline à Trudeau parce que Justin Trudeau est premier ministre. Juste une petite pensée comme ça qui m'est passée par la tête. Donc, non, Les rues d'Ottawa, très belle chanson, tout en douceur. C'est vraiment magnifique. Et on nous parle justement d'hiver et tout ça. Donc, c'est vraiment une très bonne pièce de Cano tirée de l'album. Tous dans le même bateau. Donc, vraiment magnifique. On va poursuivre. Bon, l'album la semaine, c'était l'album de Noël de Damien Robitaille. Bientôt, ce sera Noël. Eh bien, il y a aussi Christine Saint-Pierre d'Ottawa qui nous a proposé un album « Noël avec toi », un album vraiment charmant, très folk, très folky, vous allez voir. Et elle a fait ça avec son copain, son bon ami Justin Lacroix du Manitoba. Donc, c'est un album Ontario-Manitoba assez intéressant. Il y a de très bonnes pièces là-dessus, entre autres celle que je vais vous envoyer. C'est tout simplement « Ma commande de Noël ». Et c'est très folk, hein? Et c'est tout en douceur, on se laisse envelopper. Et Christine Saint-Pierre, elle a une voix magnifique, cette femme-là, c'est remarquable. Une petite voix là, comme ça, là, qui vient nous bercer, nous charmer tendrement. Donc, Justin Lacroix, donne pas sa place. Justin Lacroix chante des chansons aussi sur cet album-là. Et c'est très, très bien produit. Donc, vraiment un beau produit. Noël avec toi, Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix. On va entendre aussi de la rivière à la mer parce que nos amis Geneviève et Alain Barbeau, donc Geneviève et Alain, sont en nomination justement au Canadian Folk Music Award et c'est pour le groupe vocal de l'année. Encore là, ils ne sont pas tout seuls, il y a plusieurs personnes. Sûrement plusieurs bons groupes qui sont en nomination, des groupes anglophones. Il y a Musique à bouche aussi, que l'habitat de Plume, que je ne connais pas. Mais Geneviève et Alain sont dans cette catégorie-là. Donc, bel exposure, comme qu'on dit. C'est vraiment magnifique. Donc, on va entendre la pièce titre de leur album, De la rivière à la mer. Et on va terminer notre première heure, tout simplement, avec une chanson de M. Michel Lalonde, Je suis fait comme ça. Michel Lalonde qui vient de lancer, il y a quelques semaines, un nouvel album. Je pense que c'est son troisième album solo. Et c'est Comme un engin, réalisé par les frères Lamoureux et Full Stereo Record. Donc, et vous allez voir, le premier extrait qu'on nous propose, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle tout simplement Je suis fait comme ça et on reconnaît le style de Michel Lalonde. Ça, c'est merveilleux. Et il est en tournée en passant, Michel Lalonde, pour promouvoir cet album-là. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Mais là, on va poursuivre en musique avec Christine Saint-Pierre de l'Ontario, Justin Lacroix du Manitoba. Ensemble, ils nous offrent Noël avec toi. Voici ma commande de Noël. Petit Papa Noël, y a plein de choses que je pourrais demander. Une plus grande maison avec une grosse piscine creusée. Un billet d'avion pour voir le monde voyager. Mais cette année, ma commande a changé. J'ai pas besoin de voiture ou des billets de loto. J'ai pas besoin de télé ou même des jeux vidéo. J'ai pas besoin de guitare ou des vieux vinyles de Presley. Père Noël, je t'en supplie, peux-tu m'aider? Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser. Quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, est-ce trop demandé? Quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée. Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. Je pourrais demander un beau grand voilier, traverser l'océan, dormir sous le ciel étoilé.